La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous, merci d'être là au deuxième jour de cette mini-série en deux épisodes consacrée aux mille et une nuits. Une émission qui ne pourrait avoir lieu sans Laurence Genepin, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost et Laurent Travagli-Chanal. À la réalisation aujourd'hui, Séraphique Zénine, à la console, Alexandre Dang. Les Mille et Une Nuits constituent un texte absolument fascinant, notamment de par ses origines, puisque venu de Perse, il s'est enrichi de multiples ajouts, de contes folkloriques issus de diverses traditions, et c'est un Français, Antoine de Galland, qui a notamment ajouté les histoires d'Aladin et d'Ali Baba dans sa traduction de 1704, qui a popularisé le texte en Occident. Tout cela nous a été raconté hier par Aboubakr Shraibi, et vous pouvez bien entendu réécouter cette émission en podcast. Notre semaine, elle sera séparée en deux parties, puisque à partir de demain, nous nous intéresserons à l'écrivain égyptien Naguib Mahfouz, auteur notamment d'un livre justement intitulé « Les mille et une nuits ». Nous retracerons son parcours avec Farouk Mardambé, son éditeur français. Et puis jeudi, c'est notamment de sa trilogie Kérot dont il sera question. Ce sera avec les universitaires Leda Mansour et Rania Samara. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour continuer donc d'évoquer les mille et une nuits, je reçois André Miquel, écrivain arabisant. Il a été administrateur de la Bibliothèque nationale, mais également du Collège de France, où il a enseigné durant 20 ans. Il est l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages de recherche, traduction et adaptation, et d'une vingtaine de romans, récits et recueils de poèmes, dont certains composés en arabe. Et puis, en ce qui nous concerne aujourd'hui, il a traduit, présenté et annoté en 2005 avec Jamel Eddine Bencher, l'édition de la Pléiade des Mille et Une Nuits. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. La conduite des anciens doit servir de leçon à leurs descendants. Que l'on considère ce qui leur est advenu pour s'en instruire, que l'on prenne connaissance de l'histoire des peuples anciens pour savoir ainsi distinguer le bien du mal. Gloire à celui qui rappelle leurs exemples afin qu'ils soient médités par leurs descendants. En cette mémoire s'inscrivent les contes appelés des mille et une nuits. Que tous les hommes généreux, les seigneurs vertueux et glorieux le sachent. Le but de ce livre exquis et passionnant est d'instruire. Ce que l'on y raconte forme l'esprit. Ce que l'on y comprend le fortifie. Il s'adresse aux grands de ce monde. On y apprendra l'éloquence. On y recueillera la chronique de premiers rois du monde. On y suivra de nobles récits. Écoutez-les. Le premier paragraphe des Mille et une nuits lu par Mohamed Rouhabi dans votre traduction. André Miquel, bonjour. Bonjour. Alors tout ce travail que vous avez entrepris sur les Mille et une nuits, c'est colossal. C'est le travail de toute une vie. D'une bonne partie de ma vie, disons. D'autant que c'est parti pour être plus modeste à travers la collection, une collection folio de chez Gallimard avec mon ami Jamal Eddine Bencher. Et nous allions entreprendre le quatrième tome lorsque Gallimard nous a fait savoir qu'on ne pouvait pas aller au-delà dans la collection Folio et qu'il fallait désormais, si j'ose dire, verser dans la Pléiade. Mm-hmm. Qu'à cela ne tienne, nous pensions que nous en avions fait déjà une bonne part, le tiers à peine. Oui. Donc nous sommes repartis et puis au bout de quelques temps, mon ami Jamal est mort et je me suis retrouvé face avec, je dirais a priori, le tiers du recueil encore. Mmh. Mais alors qu'est-ce que ça produit, de passer si longtemps dans ce texte-là et de l'étudier jusque dans ses moindres recoins. Qu'est-ce que ça produit sur la vie d'un homme ? Un accaparement dont mon épouse ne s'est pas plainte. Mais tout de même, de temps en temps, elle demandait aussi sa part. Bien que... Je lui disais toujours, bon, voilà où j'en suis, je suis dans tel compte, on en est là, ça tarde un peu, et avant la résolution finale, il faudra encore être patiente. Bon, mais non, pour moi, véritablement, ça a été un engagement, ne serait-ce qu'à la fin, par déférence pour l'ami défunt. Et c'est le souvenir de Jamal qui m'a porté pendant encore quelques années, 2 ou 3 ans, je dirais. D'ailleurs, vous dites bien que c'est quelqu'un qui, à certains moments de votre vie où vous avez pu avoir envie de changer de sujet, c'est quelqu'un qui vous a confirmé dans l'idée qu'il était important de continuer à travailler dans la veine que vous aviez entreprise au départ. Oui, ma carrière a été un peu en dents de scie. Je suis parti après un baccalauréat mathématiques, conquis de justesse. Je voulais travailler dans les eaux et forêts. On m'a conseillé d'abord de faire une année de Cagnes, dans le lycée de Montpellier, où je me suis retrouvé avec des camarades qui préparaient un concours de l'école normale supérieure, dont je n'avais jamais entendu parler. Et je me suis dit, pourquoi pas moi ? Bon. Ça a commencé comme ça, avec pas mal de zigzags ensuite. Ouais. Alors, Les Mille et Une Nuits, c'est tout de même un ouvrage qui reste mystérieux. Vous le comparez d'ailleurs dans votre introduction à la Pléiade au théorème de Fermat pour les mathématiques. Est-ce qu'il y a toujours pour vous beaucoup de mystères à ce texte ? Énormément, partout. Partout. Par exemple, bon, on a les traces, quelques feuillets de manuscrits de la fin du 8e siècle. Et nous savons que certains contes, c'est facile par les références historiques, ont été enregistrés au 18e siècle, juste avant la mise en forme définitive d'une version dite du Caire, de Boulac, imprimée dans les premières années du 19e siècle, détruite ensuite, parce que le livre, désormais, prenait la place du manuscrit. Donc, on ne sait pas ce qui a été... Si, on sait ce qui était à l'origine, mais on ne peut pas savoir tout ce qui a été intégré entre, bon, mettons, l'arrivée sur le marché arabe de Bagdad dans la fin du 8e siècle jusqu'à la fin du 18e siècle. On a des jalons, mais... composé, cela a été recomposé. Il y a plusieurs versions, évidemment. On a pris, nous, Jamal et moi et d'autres, avons pris celle qui, finalement, aujourd'hui, fait figure de version la moins mal autorisée, je dirais, celle de l'Égypte. Et est-ce qu'il pourrait y avoir des avancées scientifiques qui pourraient permettre d'éclairer beaucoup plus largement l'histoire du texte ? Je l'espère, mais sans trop. Parce que je voudrais bien que Les Mille et Une Nuits conservent leur mystère jusqu'au bout. Et qu'on ne puisse pas un jour les réduire à quelques phrases péremptoires et qui ne souffriraient aucune critique. Le mystère des Mille et Une Nuits, c'est qu'elles sont en elles-mêmes un mystère. Ouais. Vous évoquiez de la morale en ce moment. Est-ce que c'est un texte moral ? Ah, alors ça, c'est une question que vous poserai un petit peu plus tard. On y reviendra. Quand vous dites tout de même que finalement ce que vous retenez de cette fréquentation quotidienne pendant des années des Mille et Une Nuits, c'est un accaparement, je ne peux pas vraiment vous croire, André Miquel, et j'ai l'impression que c'est la pudeur qui vous fait dire ça, parce que quand on est pendant des années dans un texte qui est aussi large que l'univers, qui est un infini littéraire, quand on est comme vous poète, on imagine tout de même que ces contes vous ont changé intérieurement. Est-ce que c'est le cas ? Ça participe de l'aventure, je dirais. Bon, je suis pour l'essentiel un chercheur, surtout autour des géographes arabes qui m'ont occupé là vraiment pendant des années. Par ailleurs, et de façon tout à fait libre, un écrivain, le mot est bien gros, en tout cas comme comme disait Vialat de lui-même, un grand écrivain notoirement inconnu, mais enfin... C'est pas ça qui fait le grand écrivain, de toute façon. En tout cas, bon, notoirement inconnu pour cela, j'exagère à peine. Mais les mille nuits, oui, m'ont porté pendant quelques années, mais elles n'ont pas été tout de même au cœur de ma carrière de savant. Vous êtes pourtant le spécialiste français. Oui, mais c'est Jamel Endine Benchir qui m'a traîné vers les mille nuits. Moi, je n'y avais jamais pensé. Mais pour lui, dont c'était le patrimoine, en tout cas un des rouages essentiels du patrimoine arabe, il fallait absolument qu'on le fasse. Mais ça lui était écrivain, il n'était pas scientifique comme vous. Enfin, vous êtes aussi écrivain, mais il n'avait pas cette corde. Ouais, il était poète quand même. Oui, il était écrivain et poète, mais c'est vous qui apportiez finalement le savoir académique. Peut-être, oui, mais enfin, il en savait quand même autant que moi sur les mille et une nuits. Alors c'est Antoine de Galland, on a commencé déjà à en parler hier, qui a popularisé les mille et une nuits en Occident. André Michel, c'est d'ailleurs à lui que vous avez dédié votre préface du tome 1 de la Pléiade. Vous avez même repris un certain nombre de ses traductions, comme par exemple celle du conte intitulé « Exterminé par un esclave ». C'est donc, ça devait être une bonne traduction, en tout cas c'est ce que vous avez dû penser à l'époque. La figure d'Antoine de Galland, qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? C'est vraiment un phénomène. Parce que c'est un savant, mais jusqu'au bout des ongles, lui. Et un savant engagé, qui a traversé la mer pour aller sur place, voir comment ça se passait là-bas. Ça, je veux dire, la civilisation de l'islam, qui a failli mourir dans le tremblement de terre de Smyrne, qui a joué un peu les agents d'information de nos ambassadeurs à Constantinople. Pour le reste, numismate, spécialiste de manuscrits, et qui un jour tombe sur un manuscrit qui vient de Syrie, il le lit. C'est Simbad. Ouais. Et imaginez que cet homme, vraiment, mais savant jusqu'au bout des ongles, et j'ajouterai, si vous me permettez, plutôt confirmé, hein, uniquement voué à la science. Et ça, c'est important quand on découvre un texte aussi érotique que les mille et une nuits. Imaginez qu'il ait dit, mais ça ne vaut rien ou presque, et qu'il ait mis ce manuscrit sur les étagères de la bibliothèque royale, dont il était d'ailleurs un assidu. Elle y dormirait peut-être encore. Il a quand même perçu immédiatement ce texte comme un réservoir fantastique de connaissances de toute une civilisation, par une voie et à travers, en effet, une religion qu'on peut suivre de-ci de-là dans les mille et une nuits. Mais de toute une civilisation, mais de laquelle ? Parce que précisément, les mille et une nuits, c'est l'Orient, mais l'Orient, on ne sait pas très bien ce que c'est, André Michel. Il y a d'abord l'Orient d'avant les Arabes. Il y a des souvenirs de l'Égypte pharaonique, des souvenirs de la Perse, il y a des souvenirs de la grande époque abbasside, mais ensuite des souvenirs des croisades, de la course en Méditerranée, de la présence de plus en plus flagrante de l'Europe et de ses marchands sur les mers. Bon, c'est un réservoir, je dirais un fourre-tout. Non, parce que tout ça, finalement, s'organise pour nous présenter un spectacle quasi complet de toute une civilisation sur 8e lieu, sur 10 siècles de son histoire. Donc ça veut dire qu'on peut apprendre de la civilisation arabe en lisant les mille et une nuits. Ça n'est pas seulement un fantasme. Non, on peut y apprendre beaucoup de choses, notamment sur la vie quotidienne. Il y a tout un registre des mille et une nuits moins connu que les contes d'amour, les contes de chimie, tout un contenu relatif aux diverses classes de la société. Je ne pense pas seulement aux marchands, aux grands marchands du commerce lointain comme Sindbad, mais au petit peuple, le compte de l'employé aux abattoirs, par exemple, ou le compte de Dalila la rusée, qui nous explique comment des bandes de petits voyous finissent par être reconnus comme policiers et responsables de la police dans la ville de Bagdad. Donc, il y a vraiment, il y a toujours la part du rêve, du conte, de la féerie, mais le plus souvent, quelque chose de réel. Et c'est ce qui est fait le prix, en effet, des Mille et une nuits. Donc Antoine de Galland va populariser ce texte, et cela va changer tout de même la perception que ce qu'on appelle l'Occident va avoir de ce qu'on appelle l'Orient. On a même l'impression que là, il y a quelque chose qui se fige dans l'esprit des peuples. Oui, il y a un tournant dans ce qu'on appelle l'orientalisme. Entre l'orientalisme à la mode de Molière, le Mamamouchi et l'autre, et l'orientalisme qui naît avec le XVIIIe siècle, une différence considérable. Et c'est vrai que c'était attendu. Galland meurt en 1715, mais à la fin du même siècle, du XVIIIe siècle, sa traduction, la traduction de Galland est traduite en plusieurs langues européennes, et elle a déjà voyagé de l'autre côté de la mer jusqu'aux États-Unis. C'est prodigieux comme aventure. C'est peut-être unique dans l'histoire de la littérature universelle. Donc on peut peut-être comparer à la culture orientale, entre guillemets, les Mille et Une Nuits, avec ce que serait à la culture occidentale, toujours entre guillemets, Cervantes ou Voltaire, par exemple. Est-ce que, de l'autre côté, on voit cela de la même manière ? Je comprends. En fait, jusque-là, l'orientalisme a été prétexte à délivrer un message sous des couleurs orientales. Ce qui se passe avec Galland, la traduction des Mille et Une Nuits, là, véritablement, l'Orient est proposé tel quel, et non pas comme prétexte à un message politique ou autre. Oui. Et alors, est-ce que... dans le monde arabe, par exemple, il y aurait un texte équivalent occidental qui aurait figé aussi l'image de l'Occident, comme les Mille et Une Nuits ont figé pour nous l'image de l'Orient. Franchement, là, le sort de mes compétences... Ça sort de votre domaine. Oui, il y a eu un formidable mouvement de traduction à partir du 19e siècle, autour de quelques écrivains majeurs, je parle pour la France, notamment Balzac, Hugo et autres. Mais de textes fondamentaux, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Alors revenons aux Mille et Une Nuits, et en particulier à Scheherazade, sa narratrice. J'ai toujours été fasciné par la construction de ce livre. La façon dont tous ces contes qui viennent, on le sait, de très loin, il y en a qui viennent de la Grèce, il y en a qui viennent de la Chine, eh bien, la façon dont tous ces contes ont été rassemblés dans une forme très puissante, dans une forme fascinante. Tous ces contes ont été rassemblés à l'aide d'un thème fondamental qui est extrêmement riche, puisque ce thème fondamental, c'est la puissance du récit, la puissance du conte contre la mort. Scheherazade, tous les matins, gagne sa vie, suspend sa condamnation à mort en racontant. Et chaque fois, elle réussit, par ses paroles, à conquérir une journée de plus. Eh bien, ce thème a considérablement impressionné beaucoup de grands écrivains européens, en particulier Proust déclarait qu'il avait voulu, à la fin du temps retrouvé, il déclarait qu'il avait fait en quelque sorte les Mille et Une Nuits de son temps. Il avait fait un livre qui était, dans une certaine mesure, à la fois les Mémoires de Saint-Simon et les Mille et Une Nuits. Alors, beaucoup de choses, André Miquel, dans cette archive de Michel Butor, que vous avez reconnu. Commençons donc, comme prévu, par Scheherazade. Il y a quelque chose d'un petit peu pervers, quand même, dans le personnage de Scheherazade, ou peut-être pas dans son personnage à elle, mais en tout cas, dans le concept des Mille et Une Nuits. C'est qu'au fond, ce qui lui arrive à cette pauvre femme, c'est tout à fait tragique, et ça crée, pour le lecteur, un espèce d'immense plaisir de lecture. C'est peut-être ça, finalement, la littérature, prendre du plaisir à voir les personnages mis dans des situations presque désespérées. Alors, Scheherazade, c'est à la fois un symbole et une personne. Elle est symbolique de la femme. Bon. Tous les contes des Mille et Une Nuits, rassemblés, visent finalement à cette conclusion. La femme, bien sûr, socialement, est traitée de façon inférieure par rapport à l'homme, et pourtant, dans les circonstances exceptionnelles, elle se conduit mieux que les hommes. Que ce soit même à la guerre. On a des exemples d'héroïnes guerrières qui vous tuent des ennemis, je ne sais pas, d'une main, des dizaines et des dizaines. Donc ça, c'est pour le symbole même de Scheherazade, la défense de la femme. Est-ce que les femmes s'en saisissent d'ailleurs dans le monde arabe de ce symbole? À cette époque? Oui, peut-être encore, ou peut-être d'autant plus aujourd'hui, je ne sais pas. Aujourd'hui, en tout cas, on peut dire qu'elles luttent pour être reconnues. Égales, tandis que Scheherazade lutte pour qu'on sache que la femme, à la limite, se comporte mieux que l'homme, déjà. Avec ce petit plus en faveur du sexe dit faible. Ça, c'est pour le symbole. Quant à la personne, cela nous a inspiré, Jamal Eddine Bencher et moi, la traduction des articulations, chaque fois, de compte à compte. Parce que je crois que, si j'ai bonne mémoire, il y a quatre circonstances seulement où elle achève un compte sans suite. Là, le risque gros. Parce que le risque qu'on lui dise, bon, écoute, ça suffit maintenant, passons à autre chose, ou je te tue. Ouais. Chaque fois qu'elle guette l'aube, elle sait que sa vie est en danger. Et le drame de Scheherazade, c'est son aventure personnelle. Tenir par la parole, ce que Bencher a très bien éclairé dans son livre « Les mille et une nuits » ou « La parole prisonnière ». Donc il y a tout cela dans Scheherazade. Oui, mais dans le même temps, ça n'est pas un personnage qui existe réellement en tant que tel. On ne sait rien d'elle, ou très peu de choses, à part que c'est la fille du vizir et qu'elle s'est sacrifiée. C'est là ce qui fait son charme. Tellement bien que moi, il m'est arrivé de pondre un petit livre sur après la mille et unième nuit, quelque chose comme ça, où j'imagine Scheherazade après la mille et unième nuit. Bon, je vous fais grâce des détails, mais comment se comporte-t-elle? Il se trouve qu'elle hérite du royaume par un accident heureux arrivé à son mari et qu'elle modernise tout. Ce qu'elle aurait voulu faire, ça se sent. Par elle-même ou à travers les héroïnes des Mille et Une Nuits. Je crois que dans certaines versions éditées dans des pays arabes, Scheherazade n'est pas la seule narratrice. Et on lui adjoint un homme qui raconte aussi les contes. Je ne sais pas, vous en savez plus que moi. Ça ne me dit rien, mais bon, c'est possible. Mais encore une fois, quand je reviens à ceci. Le texte arabe de transition dit « Mais l'aube venait reprendre Scheherazade, elle se tut en cessant le discours permis. » Et nous avons cherché avec Jamal quelque chose qui soit scandé plus fortement. Donc, « Mais l'aube venait reprendre Scheherazade, point. Parler n'était plus permis, point. Elle se tut. » Pour réserver chaque fois l'intensité dramatique de... Alors, revenons un petit peu à l'histoire des Mille et Une Nuits, parce que... On a parlé tout à l'heure d'Antoine de Galland, de la redécouverte en Occident. Mais il y a tout de même l'un des mystères de ce texte qui est qu'il a disparu à un moment donné, autour du Xe siècle. Comment est-ce que ça se passe finalement, cette évanescence, cette disparition tout à coup? On sait qu'il existait au Xe siècle, où il y a deux auteurs arabes, Masroudi et Ibn Nadim, qui disent en effet que ces mille et une nuits sont à mettre sur le même, enfin, dans la catégorie générale de la littérature morale. On croit rêver. Bon, on verra pourquoi. Le second, Ibn Nadim, dit tout de même que dans cette règle vraiment impérative de toute pédagogie qui consiste à mêler le sérieux et le plaisant penche quand même un peu trop. Ce qui explique peut-être l'oubli, en tout cas sur le devant de la scène, l'oubli, l'effacement des mille et une nuits jusqu'à leur maintien par la voix orale et ensuite leur enregistrement plus tard, notamment à partir de l'Égypte mamelouk surtout. La compagnie des auteurs, toujours sur France Culture et toujours avec vous, André Miquel, autour de ce texte passionnant des Mille et Une Nuits. Et la question peut-être la plus passionnante, c'est finalement une des questions les plus simples, c'est pourquoi ce découpage en nuits ? Parce que au fond, ça aurait pu être simplement 1000 contes, ou d'ailleurs il n'y en a pas 1000 des contes, il y en a 300, peut-être quelque chose comme ça, ou 350. Quel intérêt ce découpage en nuits ? D'abord parce que la nuit, c'est par la nuit qu'on découpe en ce temps-là le temps. Bon. Donc la raison est simple, c'est la première. La seconde, c'est que il faut quand même ménager dans la vie de Scheherazade à laquelle nous revenons. Elle ne fait pas que raconter. Mmh. On devine qu'elle se livre à d'autres activités pendant la nuit. Bon. Oui. Et donc, c'est comme cela. Alors, quant au 1001, 1000, c'était le chiffre de base. 1001, c'est le chiffre parfait. Mais, encore une fois, je ne sais pas si ça... Pardon de vous le dire, mais si la question est tellement importante. Uh-huh. Ce qui est important, c'est le texte. Et en fait, vous m'amenez à autre chose. C'est qu'il y a des contes courts et des contes longs. Uh-huh. Cela veut dire que dans l'aventure personnelle de Scheherazade, elle joue de ci-de-là. Donc elle lit plus ou moins. Mais bien sûr, elle joue, elle mime, elle s'arrête. Bon, je sais pas, mais pour boire un coup avec son Mari, pourquoi oui. pas son mari. Bon, et puis il y a sa sœur aussi qui est là. Et elle a toujours en tête elle comment je vais arrêter le conte de façon que qu'il soit entendre la suite. Hein. C'est primaire. C'est cette scansion, en fait, qui n'est pas la scansion du temps ordinaire, qui fait aussi le prix des Mille et Une Nuits. Est-ce qu'on peut faire le lien entre l'histoire de la civilisation arabo-musulmane, éventuellement la religion musulmane, et le fond éthique des Mille et Une Nuits? Parce que dans votre préface, vous rappelez beaucoup de faits historiques, et d'une certaine manière, on se demande, vu de France, vu d'Europe, si on comprend tout à fait les Mille et Une Nuits, nous qui n'avons pas très souvent de culture fine de ce monde musulman et même de la civilisation arabe. Qu'est-ce qu'on rate finalement quand on ne connaît pas bien cette culture-là en lisant Les Mille et Une Nuits, André Miquel ? Je pense qu'on rate beaucoup de choses. D'abord, historiquement, j'ai beaucoup appris moi-même en traduisant, évidemment, pour des périodes qui n'étaient pas forcément au centre de mes recherches. Alors, par rapport à la civilisation, en l'occurrence musulmane, on se demande quand même pourquoi ces Mille et Nuits ont été classées au départ dans la littérature moralisante. Il me semble que la réponse est que elles tendent à prouver cette vérité essentielle et importante pour toute société, à savoir que le mal ne triomphe jamais par la volonté de Dieu. Le héros, porteur du bien, peut laisser la vie dans ses luttes, mais à la fin, c'est le bien qui triomphe toujours. Ça, c'est essentiel, je crois. Vous diriez que c'est même le grand message, finalement, des Mille et Une Nuits, s'il ne devait n'y en avoir qu'un seul. Le grand message, celui-là, oui, oui. Que finalement, tout finit bien. Qu'il faut savoir vivre pour vivre et vivre mieux, voilà. Voilà qui aide à vivre. André Miquel, on se retrouve dans quelques minutes pour continuer à parler des Mille et Une Nuits, mais tout de suite, c'est le moment sur France Culture, dans Compagnie des Revues. La Compagnie des Auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Thank you. en compagnie des revues avec aujourd'hui Éric Dussert qui vient représenter le Matricule des Anges. Bonjour Éric. Bonjour Mathieu. Alors ce mois-ci dans le Matricule, deux poètes radicalement différents l'un de l'autre. Le premier, il est d'ailleurs à la une de votre magazine, il s'appelle Emmanuel Hoccart, et dont une large partie de son œuvre a été éditée par POL. Et son style, eh bien, on pourrait le qualifier, Éric, en tout cas vous le qualifiez comme ça, du style de la biscotte sans beurre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, je m'appuie sur des citations, bien sûr. C'est en effet Emmanuel Hoccart lui-même qui plaide pour une esthétique de la sobriété. Ouais. Donc, je vais le citer. Donc, il plaide pour une esthétique mineure au sens deleuzien du terme, aussi sèche qu'une biscotte sans beurre. Attends, c'est croustillant. C'est très croustillant. Et c'est tout ça contre l'héritage surréaliste. Emmanuel Hoccart a souhaité se garder d'une phrase qui enfle. Il a cherché à apporter, donc, dans la foulée des objectivistes américains comme Charles Resnikoff, une littérature dénuée de toute métaphore. Et il conçoit la littérature comme une photographie, en fait, hein, ou, ainsi qu'il le dit, comme une activité tabulaire. Faire table nette, c'est son propos. Alors, au risque de la sécheresse, de la platitude ou de la vacuité, il rase au plus près le poil poétique, rejetant toute sensibilité, tout dispositif, tout agencement qui appartiendrait au champ poétique. Et ça, c'est une analyse de son œuvre par Jean-Michel Maulpoix. C'est de la poésie sans poésie, alors ? C'est de l'esthétique 0%. Ah, esthétique 0%. L'esthétique silhouette. Exactement. On retrouve dans l'abécédaire du dossier, donc, qui compose la part Emmanuel Hoccart de ce Matricule des Anges, des entrées à biscotte, ça tombe sous le sens, et une autre à tautologie. Pourquoi ? Parce que la tautologie, c'est finalement le sujet cardinal des interrogations d'Emmanuel Hoccart. Il y revient dans l'entretien et il déclare « Je n'en ai pas fini avec la tautologie, c'est la définition même de l'idiot. Un idiot est un idiot. La tautologie, cela me paraît le tenant et l'aboutissant du langage. Tout le reste est de trop. » Et puis alors dans un style, donc là, totalement opposé, le Matricule des Anges rencontre d'un autre poète, Christian Bachelin, dont l'un des livres vient d'être réédité dans la collection La Petite Vermillon à la Table Ronde. Christian Bachelin, oui, disparu il y a 4 ans. Il était pour sa part un agitateur doux, qui n'a jamais cherché à révolutionner la langue, mais au contraire à la faire vibrer. Il agitait les souvenirs, il a agité les événements de mélancolique mémoire, les faits et les objets que la poussière recouvre peu à peu. L'incipit de son livre réédité, qui s'intitule « Soir de la mémoire », est tout à fait éclairant de ce point de vue. « Mon père est mort, et maintenant ce sont des petites bêtes qui tiennent compagnie à ma mère. De petites, plates, petites bêtes crépusculaires, à moitié sèches, à moitié suintantes, un peu pelucheuses. » Les images de Christian Bachelin sont profuses, elles sont parfois magnifiques. Elles confinent même au cocasse, car l'homme n'était pas sans humour. Et ses tendresses étaient plutôt verlainiennes. La poète Valérie Rouzeau, qui signe la préface de cette nouvelle édition, signale que Christian Bachelin, qu'elle nomme le trouvère de Compiègne, est l'incarnation même de la poésie. Et je crois qu'on peut lui faire confiance. Je ne vous ai pas demandé, Éric Dussert, si vous étiez un lecteur des Mille et Une Nuits. J'imagine que oui. Mais beaucoup, toujours. Toujours ? Dans quelles circonstances ? Pas tous les soirs, mais oui, c'est un bain de jouvence. Dans la mer des histoires. Merci beaucoup Éric Dussert. Tout cela est à retrouver évidemment dans le Matricule des Anges, actuellement en kiosque. À bientôt. Bonsoir. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez. Vous êtes bien sur France Culture, deuxième jour d'une mini-série en 2 épisodes sur les Mille et Une Nuits. Nous sommes avec André Miquel, qui les connaît admirablement, notamment pour les avoir traduites et présentées dans la bibliothèque de la Pléiade avec le regretté Jamel Eddin Bencher, qu'on écoute à présent dans une archive qui date de 1990. Il y a 3 ans, le tribunal du Caire a condamné une édition de Mille et Une Nuits. Elle a été détruite. Ils l'ont condamné pour immoralité. Alors, c'est très curieux parce qu'il y a là un manquement à l'intelligence. Les Mille et Nuits sont une œuvre très condamnable. C'est une œuvre éminemment subversive, mais pas pour immoralité. Il n'y a rien. C'est Mardrus qui est immoral. C'est Mardrus qui ajoute toutes sortes de choses. Mais le texte est du côté de la pruderie, si vous voulez, du côté des bonnes mœurs, comme on disait au XVIIe, ou au XIXe, parfaitement acceptable. Il y a très peu de scènes qui blessent la pudeur, comme dirait Madame de Sévigné. Et par contre, il y a des choix, il y a une façon de vivre l'amour, il y a un inceste dans Les Mille et Une Nuits qui se termine. Le père enferme les deux enfants, il les mure, et quand il revient, il n'y a plus qu'une plaque noire de feu qui a consumé les fautifs. Par conséquent, Les Mille et Une Nuits sont subversifs à chaque page, mais pas pour les raisons et qui ont motivé leur condamnation. C'est tout à fait moral. Jamal Eddin Bencher sur cette musique de Rimsky-Korsakov. Scheherazade, vous l'aviez reconnu évidemment, la musique André Miquel. Juste avant de parler de ce qu'a dit Jamal Eddin Bencher, vous entendez Les Mille et Une Nuits dans cette musique là? Oh, oui, on peut dire oui, parce que de toute façon, on peut entendre dans la musique tout ce qu'on veut à partir du moment où on y met de soi-même. Alors si je pense à Scheherazade, ne serait-ce que parce qu'on m'a donné ce titre, je la retrouve évidemment dans la musique. Bon. C'est Les Mille et Une Nuits à la russe. Je ne sais pas s'il a été beaucoup lu aussi en Russie. J'imagine que oui, comme partout dans le monde. Il y a certainement une traduction ou plusieurs traductions russes. Alors toujours est-il que ce que disait Jamal Eddin Bencher, c'est que c'est un texte subversif, Les Mille et Une Nuits, peut-être pas subversif exactement comme on pourrait le croire a priori. Pas du tout. Enfin, d'abord, je crois qu'il faut rectifier une chose. Les Mille et Une Nuits ne sont pas le Kama Sutra. Mmh. Il y a en effet des passages lestes, et même quelquefois un peu durs. Je veux dire, stylistiquement parlant, oui. Y compris dans la bouche de jeunes femmes, voire de jeunes filles, qui prouvent qu'elles connaissent la vie. Ça, c'est aussi, ça fait partie de la défense de la femme, au passage. Mais Les Mille et Une Nuits ne sont pas conçus, au départ, comme un livre érotique. Pas du tout. Ça dépend peut-être des traductions aussi, et de la manière dont on les a interprétées. C'est vrai que Mardrus en a rajouté un peu. Voilà, qui est l'un des traducteurs au tournant du XXe siècle. On en parlera peut-être d'ailleurs si on a le temps. Mais non, en effet, ce n'est pas le Kamasutra. Et vous, en fait, vous disiez oui, l'interdit. L'interdit, très franchement, je ne comprends pas. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un livre qui illustre la défense du bien. Mmh. Et qui flingue, passez-moi l'expression, mais qui flingue les méchants, les rusés, les tortueux, tout ce que l'on voudra, à plaisir. Et qui, de toute façon, les élimine à la fin. Il y a aussi des voleurs, quand même. Des voleurs, mais sympathiques. Parce que ils volent, mais ou bien ils se repentent, ou bien ils sont faits prisonniers. Ça va de soi, dirais-je. Ou bien ils se repentent. Et bon, mais encore une fois, il n'y a pas de défense véritablement du mal dans Les Mille. Pas du tout. Pas du tout. Et pourtant, en 1980, en Égypte, ce livre a été interdit, ou une version de ce livre, André Miquel? Oui, mais ça juge ceux qui ont proféré l'interdit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est les religieux qui ont fait pression sur le pouvoir. Autant que je me souvienne, oui, ce sont les milieux religieux qui ont insisté pour que au moins on donne des versions épurées. Mais après tout, Proust a commencé à lire Les Mille et Une Nuits en version épurée, parce que je ne pense pas que sa mère lui ait donné à lire quand il était jeune Les Mille et Une Nuits dans la version de Mardrus, je ne pense pas. Donc la version de Mardrus qui était donc celle qui était la plus fleurie, celle qui était la plus orientaliste aussi. Hein. Oui, la plus orientalisée. C'est un peu ce qui est agaçant chez Mardrus, ce parti pris, je dirais, quand au lieu de dire le calife, il dit le califat. Parce que en arabe, c'est le khalifa avec une terminaison entre guillemets féminine, mais le califat en arabe, c'est pas khalifa, c'est khilafa, c'est pas la même chose. Alors, il y a quelques, bon, C'est une fantaisie de Mardruch. Donc c'est la moins sérieuse des traductions, celle-ci. Moi, j'évite de prendre parti. Je dirais simplement que la chose que je reproche à Mardruch, bon, il a travaillé sur comme les autres, fondamentalement sur la version égyptienne. Il s'est inspiré aussi de traductions étrangères, notamment l'anglaise de Burton. Ce que je reproche à Mardruch, c'est que devant un texte qui n'est pas un texte d'auteur, qui n'est pas dit froidement, je vous présente les Mille et une nuits de Mardruch, comme Pasolini l'a fait pour ses Mille et une nuits. Et là, les choses sont claires. On peut faire des Mille et une nuits ce que l'on veut, à condition que les choses soient clairement, clairement dites. D'ailleurs, on ne s'en prive pas. On fait des Mille et une nuits tous les jours. Comment ? Il a eu un très grand succès, Pierre-Louis, Gide, etc. Et mérité, parce que la version de Mardruch, c'est une très belle version. Et vous alors, parce que donc vous n'arrivez pas directement après Joseph-Charles Mardruch, dont on parle en ce moment, je parle en tant que traducteur, il y a eu dans les années 60 une autre traduction, celle de René Kawam. Oui. Là, elle vous semble intéressante, elle vous semble meilleure? Oui, je l'ai trouvée bonne et sérieuse. Le problème, c'est qu'il n'est pas allé jusqu'au bout, je crois. Il l'a fait par thème. Alors déjà, c'est un parti pris, mais moi, je respecte le parti lorsque les choses sont dites clairement. Mais là, oui, la version Khawam est une bonne version. Mm-hmm. Oui, il n'y a pas de doute. Et votre traduction C'est la meilleure. C'est la meilleure. Mais quel a été finalement l'axe principal? Ah, mais c'est le manuscrit de Boulak, enfin, celui qui a donné lieu à la première impression des Mille et une nuits, ou tout à fait au début du 19e siècle, et puis à Calcutta aussi. Mais enfin, le texte est à peu près le même. Alors je reviens sur ce avec quoi on a commencé cette seconde partie, qui est donc l'aspect subversif ou pas des Mille et une nuits. Il faut dire tout de même que il y a une grande liberté dans les Mille et une nuits, liberté sexuelle notamment, et puis il y a aussi la liberté des plaisirs, parce que c'est tous les plaisirs, ça peut être aussi le plaisir de la table, ça peut être plus globalement la joie de vivre. Oui. Est-ce que vous diriez que c'est quelque chose, la liberté, qui traverse tout le recueil, parce que c'est un recueil d'une certaine façon? Oui, je le dirais, oui. C'est une littérature du... Pour retrouver ce que je disais, c'est une littérature du plaisir sain, parce que le plaisir sain, Dieu n'a rien à y redire, au contraire, il est la source de tous les plaisirs. Tant que ce plaisir n'empiète pas sur le plaisir de l'autre, ou ne fait pas de mal à l'autre. Ça, c'est aussi la mise en garde qui court en filigrane tout le long des Mille et une nuits. On peut aimer une femme, si la femme s'est déjà donnée à un autre, là, les choses ne vont pas de soi. Mais si ces Mille et une nuits sont un assemblage de textes venus de partout, comment expliquer qu'au fond, il y ait le même état d'esprit qui règne dans tout l'ensemble? Oui, alors là, on en revient à l'histoire même de la composition du recueil. Autant que l'on sache, d'après derniers travaux, c'est au XVIIIe siècle, et en Égypte essentiellement, que les choses se sont faites aux mains de moralistes ou de dépositaires de la culture arabo-musulmane, ce qu'on appelle l'adab, que tout cela a été remanié et peut-être en effet corrigé de ci de là. Enfin, même s'il y a eu des corrections, des ratures, fort heureusement, elles n'ont pas tout emporté, et de loin. Mais ça signifie quand même que toutes les personnes qui sont intervenues à un moment ou à un autre ont gardé un même état d'esprit, ont gardé ce sentiment de la liberté, par exemple. Oui, sans aucun doute. Les Mille et une nuits sont une littérature de la liberté. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Et c'est pour ça qu'elle mérite d'être admirée, conservée, lue et représenté aussi. Pourquoi est-ce que c'est en Égypte, finalement, que tout cela s'est le plus, finalement, cristallisé? Parce que je crois que la composition finale, le rassemblement final, avec toutes les ombres qui restent sur ce qui a été enlevé, rectifié, rajouté, c'est fait, tout cela s'est fait à une période où le monde musulman, mais plus précisément le monde arabe, je pense, s'interroge sur son avenir. Après des hommes comme Ibn Khaldoun, qui parlent des progrès morts des civilisations, après un homme, un voyageur comme Ibn Battuta, qui parcourt, je crois, 150 000 kilomètres au total, dans une 25 ou 30 années, pour aller rechercher jusqu'au bout du monde des communautés musulmanes, comme pour se rassurer, dirais-je, sur l'avenir. C'est là, dans cette Égypte-là, que s'est fait le dernier rassemblement. Et j'ai coutume de signaler un homme qui s'appelle Souyouti, qui est mort à 53 ans, qui meurt au moment de l'arrivée des Turcs ottomans au Caire, qui en 30 ans, mettons-lui, d'exercice du métier d'écrivain, aligne 500 et quelques titres d'ouvrages en 30 ans. Ouvrages, en fait, qu'il recopie, il redit, il modifie de ci, de là. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a pu pousser un homme comme cela à refaire ce qui a été en lui ? Garder le trésor, je pense. Ce qu'on trouve aussi dans Les Mille et Une Nuits avec le comte de Taouedoud. Il y a là une, à la fois une structure, une construction des procédés de narratif qui font qu'il me semble difficile qu'on puisse parler de conte. D'autant que le mot arabe pour désigner ces choses-là est un mot à dessein péjoratif. Ce sont des historiettes. Comment est-ce qu'on dit en arabe, donc, les mille et une nuits? Oh, on dit trois choses. On peut dire les historiettes, on dit hikayet, ce que l'on raconte, voilà. Ce que l'on raconte, mais on peut les appeler aussi les khurafet, qui sont des paroles de délire. C'est ce que raconte soit un jeune enfant, soit un vieil homme, c'est-à-dire au debout de la vie quand on n'a plus la raison. C'est une parole de déraison, si vous voulez. Alors, je n'ai pas du tout. C'est tout le contraire d'une parole de déraison. Ou alors, il faudrait donner à délire un autre sens. Par conséquent, comme je ne suis pas d'accord avec ma langue sur ce point, je n'utilise pas cette terminologie, donc je les appelle romans. La compagnie des auteurs sur France Culture, et c'était de nouveau une archive de Jamel Eddine Bencher interrogé par Simone Dweck en 1990. C'est un roman, alors, Les Mille et Une Nuits, André Michel? Je crois qu'il y a six genres majeurs. Bon, ce qu'on connaît d'abord, c'est les contes de magie, bon, fantastiques, etc. Il y a aussi les romans d'amour, quelquefois épistolaires. Il y a la geste des grands héros de l'histoire, Calife Haroun Rachid en tête. Il y a les tableaux de mœurs de telle ou telle partie de la société. Il y a des fables et maximes. Et j'en oublie un, et les épopées des grands personnages de l'histoire de l'Arabie pré-musulmane ou de l'histoire arabo-musulmane. Donc c'est tout ça à la fois, aucun de ces genres ne l'emporte véritablement. Aucun, et d'autant que, où est le génie ? Dans un bref conte des Mille et Une Nuits, il y a autant d'inventions peut-être que dans un autre qui s'étire sur des dizaines de nuits. L'histoire de l'employé aux abattoirs est un chef-d'œuvre de ce vieil homme couvert de sang qui est racolé dans la rue par une jeune et belle dame qui le met dans son lit pour se venger de ce que son mari, militaire parti au loin et qui l'a trompé plusieurs fois. Bon, voilà. Donc, pour se venger, elle lui dit carrément, j'ai décidé ce jour-là de me venger avec, passez-moi l'expression, mais c'est presque ça, avec le plus dégueulasse que je pourrais trouver dans la rue. Donc, il y a de tout dans les murs. Il y a ça, et puis il y a la grandeur, il y a de la poésie, tout. C'est merveilleux parce que c'est un bric-à-brac extraordinaire. Ce sont des nouvelles aussi, oui, d'une certaine façon. Bien sûr, me revient l'une d'un jeune homme débauché qui rencontre sur les bords d'une île un vieil homme près de mourir et un vieil homme saint et qui lui dit, si je me trompe, je vais mourir, tu vas prendre ma place. Le jeune homme me dit, mais c'est pas possible. Et le vieillard le convainc et lui dit, quand je serai passé de l'autre côté, tu me relaieras. Et le jeune homme le relaie. Ça tient en 5-6 pages à peine. D'autres fois, des dizaines et des dizaines, en effet. Mmh. Moi, je suis toujours quand même très, très étonné par le fait que ça n'ait pas été écrit par une personne, mais par des dizaines et des dizaines de personnes, et que pourtant, on le lit comme un texte uni. En fait, tout se recoupe, les personnages se retrouvent, et on retombe toujours sur ses pieds. Alors, c'est Scheherazade qui retombe toujours sur ses pieds, même s'il y a des récits enchâssés dans des récits, enchâssés dans des récits. Je crois que vous avez étudié, justement, cette composition extrêmement fine. Comment est-ce que... ça peut marcher finalement, cette œuvre commune qui a l'air d'être tellement unique, unie. Ça marche quand même parce que les contenus et les tons varient à l'infini. Ça n'est pas comme un pavé de quelques milliers de pages et qui raconterait une seule histoire. Malgré tout, le plaisir qu'on y prendrait, on se fatiguerait. Tandis que là... C'est vraiment la création perpétuelle. Et en même temps, comme vous le dites, l'unité, peut-être, l'unité des mille nuits, c'est dans ce jaillissement perpétuel. Mmh. Je suis en train, moi, de relire comme ça quelques-uns de ces contes et je suis fasciné par la variété. Enfin, je me dis, tiens, mais je change d'optique, c'est fou. Et en même temps, je suis dans les mille nuits, parce qu'il y a Scheherazade, en effet, peut-être. Vous relisez beaucoup, alors ? Non, là, en ce moment, quelques-uns. Ouais. Votre préféré, il y en a un que vous préférez vraiment, André Michel ? Ah, moi, j'ai une tendresse pour un très joli conte, celui d'Ardeshir et de la princesse Hayat al-Nufus, qui est un joli conte d'un jeune homme amoureux d'une jeune fille. Bon, ils se séparent, etc. Par moments, c'est un roman épistolaire, ils s'écrivent en vers, naturellement. D'autres fois, c'est de l'aventure pure et simple. Bon, et alors c'est un peu long, parce que je me souviens qu'un jour, ma femme, pour évoquer un souvenir personnel, me dit « Mais enfin, où en es-tu ?» Alors je lui disais « Je suis là, dans le conte, c'est long. » J'ai encore pas mal de nuits avant que je puisse enfin les mettre au lit tous les deux. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut lire, André Michel, les mille et une nuits de la même façon que le lisaient les califes, les vizirs, les marchands, les trafiquants ? Est-ce qu'on peut retrouver ce sens-là de la lecture d'antan ? Oui, sans aucun doute. Ces hommes-là du Moyen-Âge arabo-musulman, du beau Moyen-Âge, du califat de Bagdad, et aussi quand même, bon, de l'Égypte mamelouque, enfin, quand même, et du Maroc aussi, qui a été un grand réservoir de conservation des contes. Oui, c'était des gens qui adoraient parler, enfin. Et on a, dans la littérature arabe, dans les œuvres sérieuses, des références constantes à ce genre de réunion, où on se réunit pour parler et écouter. Et il ne faut pas oublier que l'un des thèmes fondamentaux de cette littérature, cette culture, c'est l'adab, ce qu'on appelle la culture générale, qui est en fait le conjugué de trois savoirs, comme je l'ai dit, je ne sais plus où, le savoir-faire en société, le savoir-dire, au minimum, et le savoir-savoir, à savoir raconter, mais pas forcément... ennuyer le monde avec des choses trop précises, trop techniques, etc. Mais, oui, en effet, la culture de l'honnête homme. Mmh. Nagui Mahfouz, dont on va parler dans les deux prochains jours dans la compagnie des auteurs, a écrit ce livre qui s'appelle « Les mille et une nuits ». J'imagine que vous le connaissez. Oui, mais je n'ai pas lu « Les mille et une nuits » Mahfouz. J'ai lu, en fait, le Mahfouz que j'ai lu, c'est pendant que mes apprentissages, j'ai lu vraiment la trilogie, vraiment tous les soirs, bon, une heure ou deux heures avant de m'endormir. Et puis je suis revenu à lui à travers le second Mahfouz, celui qui commence avec le voleur et les chiens, où là, il passe du statut d'écrivain réaliste à l'écrivain au plein sens du terme, le créateur. Et j'ai traduit quatre nouvelles de Mahfouz aussi. Eh ben voilà, une bonne introduction à la suite de notre semaine. Merci beaucoup, André Michel. Merci donc de nous avoir permis d'aller plus loin dans la compréhension des Mille et Une Nuits. Je rappelle qu'on vous doit évidemment la traduction de ce texte. Ce n'est pas rien pour la bibliothèque de la Pléiade. C'était en 2015 et puis vous avez également publié vos mémoires en 2016 chez Odile Jacob sous le titre « Le temps se signe à quelques repères ». Demain, nous l'avons dit, mais je le répète, car à la radio, il faut toujours répéter, nous parlerons du prix Nobel 1988 Naguib Mahfouz et nous recevrons pour ce faire Farouk Mardambé, qui était et qui est toujours son éditeur en France. Mais tout de suite, et comme chaque jour, c'est le moment de la poésie, et c'est avec Jacques Bonafé. Bonjour, en compagnie de William Cliff, qui nous enchante ce jour à la table ronde avec Matière fermée. Allez William, serre-nous un verre, deux verres, trois, 14 verres à ta manière. J'écrivons ce sonnet au clair d'une bougie, un arbre a dû tomber sur la ligne électrique. C'est écrit, nous dit-il en exergue, d'après Laurent Fourcault. Venez vivre au bord de la mer quand ça déprime et que partout les marais sont saturés d'eau, que l'on se fout de vous comme d'une guigne, que tous les fils sont rompus autour du poteau. Eh bien, regardons de cette bougie la flamme tant qu'enfin l'EDF ait réparé la panne. L'auteur nous dit que c'est écrit d'après Laurent Fourcault. Et le livre « Matière fermée » commence avec ces vers. 1. Me voilà déjeté, misérable séquelle, méprisé, conspué, au nid de tout le monde, regardant cette pluie du ciel continuel où pataugent les girls avec leur rire immonde. Ah, merveilleuse garce riant sous la pluie, vous vous foutez pas mal de ce qui vous arrose, et vous vous avancez sur vos jambes qui plient, certaines du bonheur où rira votre rose. L'insupportable hiver plein de pluie et d'horreur n'est pas pour arrêter votre marche légère, car vous avez la force chevillée au cœur de croire que vous saurez aussi être mère et lancer dans la vie un poupon magnifique qui aimera gueuler dans la pluie sa musique. 2. Et donc, grâce au docteur Simon, je peux encore respirer la splendeur de ce temps dégueulasse. Lors déjà que je me croyais à moitié mort, il m'a sauvé encore d'une létale impasse. Il m'a prescrit toutes sortes d'horribles drogues, de la cortisone et des antibiotiques qui me firent cracher des diarrhées au gog et me laver le cul à grandes eaux cycliques. Ce que j'ai pu puer aux grandes pestilences qui dégoûtaient chacun de s'approcher de moi et le faisait s'enfuir très loin de mon ambiance pour ne pas respirer cette puanteur-là. Me voilà déjeté, misérable séquelle, regardant cette pluie du ciel continuel. Au 3, nous apprenons que mon urine dégage un parfum dégoûtant. Merci docteur pour ces émanations splendides. Mais qu'est-ce qui se passe? Faut-il donc autant puer pour traverser mes avanies morbides? Au 4, docteur, le bonheur n'est pas toujours évident malgré la bonne santé dont on peut jouir. Car il y a quelque chose que notre dent ne parvient pas toujours à mordre et à mollir. Cette chose ne nous laisse pas en repos, mais demande sans cesse qu'on s'occupe d'elle, comme si c'était une espèce de gros os dressé devant la course de notre nacelle. Docteur, nous sommes frêles comme ces oiseaux que nous voyons l'hiver piquer sur les morceaux de viande que nous leur jetons par la fenêtre. Nous sommes dans la main qui nous jette et nous chasse et qui nous fait tomber dans la fosse néfaste avant d'avoir atteint ce que nous voulions être. Merci Jacques Bonafé pour ces lectures de William Cliff.